Bonsoir, bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette 198e émission de Rock de Neurone, toujours sur les ondes de C'est fou, la FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre quelques nouveautés et quelques pièces qui datent déjà un petit peu. Et en fait, je vais faire un petit survol de la liste d'aujourd'hui. On aura Riverside qui va occuper le bloc dédié à l'album de la semaine, donc le premier bloc de l'émission, avec le nouvel album Wasteland. On aura The Pinal Thief aussi, une nouveauté et un extrait de Dissolution, leur plus récent album. On aura d'Allemagne le groupe Argos, aussi une nouveauté. Ensuite, on va retourner un petit peu dans les années 2010, là, avec 2010-2016, avec The Neil Morse Band. Ça, c'est un groupe des États-Unis. On aura Forgas Band Phenomena de France. On aura 6h33 de France. Jacob Collier, un jeune prodige, je dirais, britannique. Alors, je vous réserve la surprise. Et on va conclure l'émission avec The Samurai of Prague, qui est un groupe multinational. Et en fin de tout, nous aurons Ernest Rein d'Italie. Alors, le premier bloc de l'émission est consacré, comme à l'habitude, à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, je vous propose Wasteland, le plus récent album de Riverside. C'est le septième album studio du groupe, le premier depuis le décès de Piotr Grudzinski, le guitariste de la formation. Et ce septième album-là, en fait, c'est depuis 2003 qu'ils existent. Et ce septième album-là contient 9 pièces pour un total de 51 minutes. Et pour l'occasion, bien, il n'y a pas de guitariste attitré au groupe Riverside. Ce sont des guitaristes invités. Et sur les pièces qu'on va entendre, le guitariste invité, c'est Maciek Meller. Maciek Meller, qui on a connu dans le passé comme étant le guitariste de Kidam, une autre formation polonaise. Et c'est un guitariste aussi qu'on a pu entendre sur le projet parallèle de Marius Duda. Le projet s'intitulait en 2016 Meller Gotchniak Duda. Alors c'est Meller qui était le guitariste là-dessus. Et l'autre guitariste, qui est Mateusz Ogzarek, lui, c'est un jeune guitariste de la scène du metal polonais. Il est assez jeune, je ne connais pas d'historique, mais de toute façon, on ne l'entendra pas aujourd'hui. Alors, on débute ça avec Riverside et Wasteland. Start a life. We'll be right back. tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. With the world beneath my feet. Alors, c'était Riverside de Pologne avec trois extraits tirés de Wasteland, leur plus récent album. On a entendu River Down Below et auparavant, nous avions The Struggle for Survival et en début de bloc, nous avions Acid Rain. Alors, après la pause, The Pineapple Thief et Argos. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va aller faire un petit tour du côté de l'Angleterre avec une nouveauté de The Pineapple Thief. L'album s'intitule Dissolution. C'est le 13e album du groupe là, en 18 ans, donc c'est assez prolifique. Et ce qui est intéressant pour les amateurs de ce groupe-là, c'est que le dernier, c'est celui-là qui est le mieux coté. Et d'ailleurs, moi, il apparaît dans mon top 15 de l'année 2018. Et du côté de l'Allemagne maintenant, il y a le groupe Argos qui a sorti tout récemment l'album Newly Identified Dying Objects. C'est le 5e album du groupe. Et depuis 2009, donc en 9 ans, un album à tous les 2 ans. Et ce groupe allemand-là, ben, il est reconnu pour faire des longues pièces. Alors, je vous propose un extrait d'une des longues pièces du plus récent album, et c'est la pièce s'intitule « When the Tide Comes In ». Alors, on débute ça avec « The Pineapple Thief ». Thank you. the water. No, you didn't test the water. And now you realize it's gonna take you far from here. And you were never in control, never in control of this. No, you were never in control, never in control of this. And you seem so wrong to think about it. Going back again, there was a time we made the difference, played the game, smiled a while, pretend till the end. Run deep. Change the pace, make sure you will stay in place. Drive or dance, you're frozen in trance. It's all in your face. And when the tide is out, stars look down on you, but there's no hiding place alone in this ice cold blue. Oceans away, watching stones in the clay, the clouds drifting by and the seagulls that cry. It's a strange in. The clock is on the wall. In waters calmly floats the lost piece that will tell it all. Oceans away, sinking stones in the clay, the clouds drifting by and the seagulls that cry. It's a strange time. Would have believed in the middle of the 20th century that human affairs were being watched keenly and closely by intelligences greater than man's. Yet across the gulf of space on the planet Mars, intellects vast and cool and unsympathetic regarded our Earth with envious eyes, slowly and surely drawing their plans against us. Mars is more than 140 million miles from the Sun, and for centuries it has been in the last stages of exhaustion. The inhabitants of this dying planet looked across space with instruments and intelligences, searching for another world to which they could migrate. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voilà déjà rendus au troisième bloc de l'émission et on va débuter ça par de Neil Morse Band. C'est l'album de Similitude of a Dream. Pour une raison un petit peu farfelue, je dirais que cet album-là, qui a été classé l'album numéro 1 de la part des amateurs de rock progressif au Québec, en tout cas dans l'année 2016, bien, c'est la première chanson que je fais jouer de cet album-là. Je dis farfelu parce que j'aurais probablement dû en faire jouer auparavant, mais il y avait un énoncé du batteur Mike Portnoy qui m'avait un petit peu laissé pas fâché, là, mais je l'ai boudé. Je vais vous dire pourquoi. C'est que Mike Portnoy avait dit avant que l'album sorte qu'il aurait l'impact aussi grand que lorsque Tommy du groupe The Who est sorti au début des années 70. Et il avait aussi dit que ça aurait aussi l'impact de The Wall de Pink Floyd. Alors moi, ayant vécu les deux époques avec Tommy The Who et The Wall de Pink Floyd, eh bien, The Similitude of a Dream, je suis obligé d'avouer que ça ne m'a pas impacté. Alors, s'il y en a qui ont été impactés, tant mieux pour eux. Mais moi, ça m'a laissé sur ma faim. Mais par contre, je dois dire que cet album-là, qui est le 23e de Neil Morse, c'est quand même prolifique là, pour un artiste qui est sorti de Spock's Beard en 1999. Alors, je vais cesser de bouder et je vous présente The Ways of a Fool, tiré de cet album-là. Ça sera suivi de Four Gas Band Phenomena. C'est un groupe français qui est dans le jazz fusion. Et ils ont 4 albums studio à leur actif. Le dernier, qui date de 2012, s'intitule Act 5. Ou acte 5, et je vous propose la pièce Ultraviolet. Et on va terminer avec un jeune phénomène britannique du nom de Jacob Collier. C'est un jeune chanteur dont le fait d'armes se trouve du côté vocal. C'est quelqu'un qui joue avec beaucoup de pièces a cappella superposées. Et ces pièces-là, ben, il les joue aussi comme multi-instrumentiste. Et un autre fait d'arme, c'est qu'il est seul sur scène. Et il propose son catalogue comme s'il était en studio. Alors, je remercie Denis Marchand de Sherbrooke, fidèle auditeur et ami de longue date, qui m'a mis sur cette piste-là. Alors, on débute avec The Neil Morse Band. Walking straight ahead, wandering in the way I wander, my feet are feeling fine. What's that up ahead? Someone coming up the way. Make it what you want. I'm a successful man. My offer is easy. You can measure reality, make up morality, legal legality, sing it tonight. All the ways of a fool, they are right in his own eyes. Don't you miss the city lights and has been. I'll just change it up a bit and go the more logical way. 'Cause it seems good to me to live a life that's free from care. And my new reality, I will speak into the air. that screams out, "Watch me once again." Yeah, it's never been that mean, and sometimes it was funny. But as years go by, the monster grew. As days go by, the fucker grew. Like it's one leg too many. Hold your breath, don't scratch the surface. Tell me what you need, but keep that for your own sake. For I'm not what you believe. You suffer. Administration of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. I'm on a griffin. Pop, pop, pop. What a mess you're making. Coom. The neighbors want some room. Why don't we shake it just like a flavor? Bye, bye, bye, bye. Each morning I get up with a song. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. To find out not enough work has been done. I know that don't say it didn't matter, but now you do it when you stop. I'm so unhappy. I'm so unhappy. Won't you take a day off? Decide to run along super far away. We'll make us happy. Oh, how I long to be the man that I used to be. Fascinating rhythm. Oh, won't you stop taking on me? Please stop digging now. to got me on the go. I'm on the groove. I wanna make you make it. The neighbors want to know why I'm always shaking, just like a flipper, like a flipper. Each morning I get up with a song, shine a song to find out. I know what to find out. I've been done. I know that I'm not sitting there. And now you do it wrong. When you talk about it, so what up? Now you do it wrong. Just think so. Yeah, you know I'm so unhappy. Oh, how I long to be the man that I used to be. Fast in that rhythm, I don't stop. Dum bop do bop bop bop bop do do bop do bop bop do do do do do. It's such a fascinating rhythm. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Fascinating rhythm, I'm on a quiver. Pop, pop, pop, what a mess you're making. The neighbors want to know why I'm always shaking. Just like a flavor, each morning I hop with the song, wake up with a song. And I know work has been done, I know work has been done. I know that's not it, I'm not up. And I know it's wrong, when you sing about a lot. So when I hear it's fair, won't you take it down? And suddenly I'm alive, so I'm far away. I'm coming to make a rhythm, bop. Alors, c'était Jacob Joliet, jeune Britannique, probablement un descendant arrière-petit-fils des frères Shulman de Gentle Giant. Alors, on peut dire qu'il y a une certaine parenté. Je rappelle qu'il joue de tous les instruments sur cet album-là et il fait toutes les voix. Alors, aussi, sur YouTube, si vous faites un petit tour, vous allez voir qu'il joue sur scène seul, en faisant ces mêmes pirouettes-là. Et ça a été précédé de 6h33, groupe français, et la pièce « The Strange from the Swelling », ça c'est tiré de l'album du même nom. Et auparavant, nous avions la formation française « Four Gas Band Phenomena » et la pièce « Ultraviolet » tirée de l'album « Acte 5 ». Et en début de bloc, nous avions The Neil Morse Band et The Ways of Fool tiré de The Similitude of a Dream. Alors, je rappelle que si vous voulez avoir l'orthographe ou le libellé exact de toutes les pièces qui jouent à l'émission, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, après la pause, de Samurai of Prague et Runnest Rain. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission qui va débuter avec une formation multinationale de Samurai of Prague. C'est un artiste, en fait, un groupe bien connu dans l'émission. C'est probablement le plus bel exemple de ce qu'est groupe de rock progressif moderne. Alors, The Samurai of Prague ont 6 albums depuis 2011. Et ce qu'on va entendre, c'est un extrait de l'avant-dernier. L'album s'intitule On We Sail et on aura la pièce The Perfect Black. Et pour conclure, nous aurons Runner's Train, c'est un groupe italien qui a 5 albums studio à leur actif, dont les 3 derniers qui sont une trilogie. C'est la trilogie A Space Odyssey. Et moi, je vous propose Simai. Ça, c'est la pièce du premier album A Space Odyssey Part 1, Monolith. Alors, on débute ça avec Samurai of Prague. We'll be right back. is the beginning. Clouds in space. Mementos of dying stars. Giving birth to atoms. Harmonic motion. Dancing more slowly over time. Coming together, driven by beauty. Thank you. Scheletri, smagrite ombre dagli arti prensili e l'assenza di arti li complica e la privazione complica, destinata ormai a soccombere. Razza primigenia nata debole, ma adesso la storia cambierà, la coscienza propria cambierà. Scintilla che da pietra genera, fuoco sacro della logica, ora l'oggetto al mondo plasmerà, ora, ora sia, sia morte al mondo. Sangue nuovo tra i suoi denti, di razze il respiro sparso si nutrirà, d'ingegno la sua prole nutrirà. gioco c'è, fin d'ogni arma per offendere. Schiuma di sangue c'è, la sede dell'odio che si allinea. Impulso vivido, nuovo sistema adesso c'è. Per occhio qui, la scimmia all'uomo sì che c'è. Natura empia che giustifica, a discellerà di ontenebrati sì. Natura che col male riordina, risorse scarse, terre riarse, carcasse sparse qui. Ce que vous venez d'entendre, c'est Renest Rain d'Italie avec la pièce See My. C'est tiré de Space Odyssey, Monolith, Part 1. Ça, c'est le premier album de la trilogie. Vous avez peut-être reconnu au début, dans la partie narrative, la voix de Steve Hogarth de Marillion. Et tout le long de la pièce aussi, on a eu la joie d'entendre Steve Rothery aussi de Marillion à la guitare. Ce sont deux complices qui ont aussi œuvré sur les deuxième et troisième albums de la trilogie. Et en début de bloc, nous avions The Samurai of Prague et la pièce The Perfect Black tirée de On We Sail. Ça, c'est paru en 2017. Alors, ceci met fin à la programmation de cette 198e émission de Rock de Neurone. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission courante de la semaine est disponible sur SoundCloud. Alors, vous n'avez qu'à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche de SoundCloud et vous allez avoir accès à l'émission de la semaine. Et vous pouvez aussi y accéder par le lien qui est proposé sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurone, où vous trouverez aussi la liste de toutes les pièces, le nom des artistes, le titre des albums et la provenance. Et vous aurez aussi un hyperlien qui vous amènera sur archive.org, où se trouve, je suis rendu probablement à 133 émissions archivées. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission. Et c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine. Même heure, même poste.